بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، chers frères et chers sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, bienvenue sur votre radio Mirat al-Anbiya pour une cinquième rencontre autour des particularités et des fondements des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, extrait de certains livres du Cheikh, de l'héritier du Cheikh Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali, Hafidahullah, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui allonge la vie dans son obéissance, qu'il le guérisse et qu'il ne fasse profiter de sa science et qu'il lui donne le Firdaus al-A'la. Et avant de commencer, j'attire votre attention sur un point qui est très important. Lors du premier cours, j'avais commis une erreur sur laquelle a attiré mon attention de nos frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense. L'erreur est que j'ai dit que le deuxième homme de cette communauté était Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, après son message alayhi salatu wassalam. Et ceci, il n'y a aucun doute que tout le monde sait que Omar ibn al-Khattab, c'est le troisième homme après le prophète alayhi salatu wassalam de cette communauté. Donc c'est une rectification que il est le troisième homme après le prophète alayhi salatu wassalam, et non pas le deuxième. Le deuxième homme après le prophète alayhi salatu wassalam dans cette communauté, c'est Abu Bakr ridwanullah alayhi. Et ce classement, tout le monde le connaît. Que Allah subhanahu wa ta'ala récompense bien le frère qui a attiré notre attention, l'attention sur ce point. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos erreurs et nos péchés. Frère, Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des particularités et des fondement des gens de la Sunna et des Salafis, c'est que ils prennent comme base pour confirmer les croyances, ils prennent comme base le livre d'Allah et l'authentique de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ne dépassent pas ces deux sources, le livre et la Sunna, pour confirmer leurs croyances. Car les croyances font partie du domaine de l'invisible. Et donc, on ne pourrait les connaître qu'à travers la révélation qui a été révélée à Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est le livre et la sunna. On ne peut pas cerner le domaine des croyances qu'à partir des preuves de la législation, qui sont le livre et la sunna, qui sont la révélation d'Allah azza wa jal. Pour nous confirmer ce fondement salafi, Cheikh Rabi' حفظه الله دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الطائفة عرفت كما عرف أسلافها عظمة هذا الدين، فعقائدهم مستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوك شيخ ربيع دنودية ها الله سبحانه وتعالى أنصى بدون سنو بيسانس كل مساج عليه الصلاة والسلام دون سحاديث كي حديث أوتنتيفي بار شيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه رابورتي بار أبو داود بار ترمذي إلي دون صحيح الجامع يكو restera toujours une fraction de ma communauté, à dire le prophète alayhi salatu salam, qui mettront en avant et qui seront, mettront en évidence la vérité. Peu importe ceux de l'intérieur qui veulent les faire faiblir et peu importe ceux qui sont en divergence avec eux. Ils seront dans cette situation à mettre en évidence la vérité jusqu'à ce qu'arrive l'ordre d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Il dit, Hafidhahullah, cette fraction de la communauté a connu comme on a su, comme l'ont su ses pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, l'importance et la grandeur de cette religion. Donc leur croyance, l'origine de leur croyance, c'est le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi salatu wassalam. يقول حفظه الله منهجهم الأصيل في الهداية في باب العقائد أن يستمدوا ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فصفات الله العليا وأسماء الحسنى يستمدون اعتقادها والإيمان بها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون ولا يحرفون ولا يؤولون ولا على آراء الرجال وفلسفاتهم يعتمدون، ونعوذ بالله، بل من ذلك يحذرون. Il dit, Hafidhahullah, et leur voie fondamentale en ce qui concerne les croyances, en ce qui concerne le fait d'orienter vers les croyances, leur voie fondamentale est basée sur le livre et la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Car les hauts attributs d'Allah Azza wa Jal ainsi que ses sublimes noms ils puisent leur croyance concernant les hauts attributs d'Allah et ses sublimes noms, ils les puisent directement, ils puisent leur croyance sur les noms et les attributs et la foi en ses noms et ses attributs les puisent directement du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il rajoute rien, il diminue rien du tout. Il ne rajoute ni diminue. Et il ne déforme pas les sens. Il ne donne pas des fausses interprétations. Ni il divise les sens. Ni il prenne les opinions des gens, leur philosophie, pour ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Plutôt, ils avertissent contre les opinions des gens et leur philosophie concernant les attributs d'Allah et les sublimes noms d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, cher, il nous confirme un point essentiel pour le rappel, frères en Allah Azza wa Jal et sœurs en Allah Azza wa Jal, c'est que les croyances, disons, de la sunna, leur base, c'est le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. وقال حفظه الله أهل الحديث وأهل السنة والجماعة فمرجعهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بيانه وما كان عليه السلف الصالح الذين ما كانوا ينطلقون في عقائدهم وعباداتهم ومناهجهم وفي سائر شؤون حياتهم إلا من كتاب الله الذي الله سبحانه وتعالى le préserve. Les gens du hadith, les gens de la sunna, ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est la même chose. Les salafis, leur source dans laquelle épuisent c'est le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi salatu wassalam, qui est un éclaircissement sur le livre d'Allah et aussi la voix des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Ce sont ces trois points duquel vont partent les salafis, les gens du hadith, ceux qui sont unanimes sur la sunna. C'est leur base concernant leurs croyances, leurs adorations, leur voix dans toutes les situations et concernant toute leur vie. Ils ne puissent ça, ils ne puissent que dans le livre d'Allah, l'authentique de la sunna et la voie sur laquelle étaient les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. فديدنهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة معتقدهم ينطلق من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أعمالهم مناهجهم من كتاب الله ومن سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Donc leur préoccupation quand ils parlent, quand ils discutent, quand ils propagent, toutes leurs préoccupations, c'est le livre d'Allah, la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, leur croyance, hein, leur source, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Leurs œuvres, la même chose. Leur voix, la même chose. Le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Wa qala hafidhahu Allah, fa'alu sunnati aqaiduhum da'iman qa'imatan ala kitabillah. وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يزيدون عليها ولا ينقصون ولا يخالفون من ذلك شيئا فهم ملتزمون بكتاب الله وبسنة رسوله في عقائدهم وعباداتهم وسائر شؤونهم. Il a dit que Allah سبحانه وتعالى le préserve. Les gens de la sunna au niveau de leur croyance se cramponnent toujours et leurs croyances sont basées toujours sur le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du messager alayhi sallam. Il rajoute pas, il diminue rien, ni il rajoute ni il diminue, et il ne diverge pas ni avec le livre ni avec la sunna. Il se cramponne au livre d'Allah et à la sunna du messager alayhi sallam dans leurs croyances, dans leurs adorations, concernant toute leur situation. Wa qala hafidhahu Allah wa waqi'u hadhihi al-firqa ahli sunna في الماضي والحاضر يشهد بذلك فهم دعاة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع منهج السلف الصالح والتقيد به خصوصا في العقائد فإنها توقيفية عندهم لا تقبل الزيادة ولا النقص. إلى دي حفظه الله إيه la situation de ce groupe, c'est-à-dire des gens du hadith, des salafis, des gens de la sunna, ceux qui sont unanimes sur la sunna, que ce soit dans le passé, dans le présent, témoin de ça, témoin est un, hein, la situation, leur situation dans le passé et dans le présent témoigne comme quoi, hein, ils se cramponnent au livre et à la sunna. Ce sont des gens qui prêchent le fait de se cramponner au livre et à la sunna et le fait de suivre la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et le fait de s'y conditionner et de se conditionner avec la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim au niveau des croyances, car les croyances, c'est quelque chose de décrété min Allah. C'est quelque chose qui est instauré dans le livre, on ne peut pas rajouter ni diminuer, qui sont instaurés dans la sunna du prophète, ça n'accepte ni le rajout, ni la diminution, ni quoi que ce soit. وقال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله وغفر له في شرحه لعقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني قال يعرض الصابوني رحمه الله ميزات الحديث الذين علاقتهم بالله قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالوعد والوعيد دون أن يضرب هذا بذاك كما يفعل أهل الضلال. Et l'érudit Cheikh Rabi حفظه الله تعالى et que Allah سبحانه وتعالى le récompense dans son interprétation des croyances des salafs et les gens du hadith de l'imam Sabouni رحمه الله, il dit que l'imam Sabouni expose les particularités des gens du hadith dans leur rapport avec Allah. Et il dit que ces particularités des gens du hadith dans leur rapport avec Allah est basée sur le livre et la sunna. Ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs qu'il s'est donné lui-même. Et ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs que lui a donné son messager alayhi salatu wassalam. Et ils croient en les promesses d'Allah et en l'avertissement, hein, sans fracasser l'un contre l'autre, comme font les gens de l'égarement. يقول فإن معتقداتهم في جميع أبواب الدين مبنية على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بناء على العقول والآراء خلافا للخوارج والروافض ومن سار على نهجهم. Il dit, حفظه الله, les croyances des gens du hadith, des salafis, à tous les niveaux de la religion, est basé sur le livre et la sunna. Et il est loin de la raison et des opinions. Contrairement aux khawarij, il y a rawafid, il y a ceux qui ont suivi leur chemin. Il dit, « لكن السلفي الصادق المخلص ينظر في كل عمل أو عقيدة فيقيمها على كتاب الله. » وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاربون الهوى ويحاربون البدع والضلالات ويرفعون راية السنة. Il dit, mais le salafi véridique et sincère regarde tout acte, toute croyance, et il juge ses actes et ses croyances selon le livre et la sunna, et il combat, hein, les passions, les innovations, les égarements, et il lève très haut l'étendard de la sunna. وقال حفظه الله أهل الحديث هم الذين يلتزمون بالحق تعلما وتعليما ونشرا ودعوة وبناء مساجد ومدارس فمساجدهم ومدارسهم وجامعاتهم في الدنيا كلها هي التي تقوم بنشر السنة تدريسا وتفقها على منهج سلفهم من أئمة الحديث فيأخذون عقائدهم من الكتاب والسنة كما هو شأن أسلافهم الكرام من الصحابة والتابعين. إلى حفظه الله لجون الحديث السنئ qui se cramponnent à la vérité, en apprenant cette vérité, en enseignant cette vérité, en propageant cette vérité, en prêchant cette vérité, en construisant les mosquées, les écoles, il dit leurs mosquées, ainsi que leurs écoles, ainsi que leurs universités dans le monde entier, s'accomplit pour, hein, propager la sunna, pour l'enseigner, et pour enseigner la compréhension de la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alim parmi les imams du hadith. Et ils prennent leur croyance du livre et de la sunna comme c'est la situation et comme l'ont fait leurs pieux prédécesseurs qui sont les compagnons et leurs successeurs et ceux qui les ont suivis à la perfection. Cheikh Rabi' ici, frère d'Allah Azza wa Jal, nous enseigne et nous rappelle, hein, que le point de départ et la source, hein, du départ des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, qui sont les salafis, dans leur croyance, hein, leur point de départ et leur source, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça leur suffit. Pourquoi ça leur suffit? Parce qu'ils croient d'une croyance irréfutable qu'ils sont suffisants complètement. Que ça suffit à l'être humain pour tous, hein, pour tout ce qu'il doit croire, il est dans le livre et dans la sunna. Et dans ce sens-là, il a dit, كان الصحابة رضوان الله عليهم ومن سلك منهجهم واتبعهم بإحسان في عقائدهم وعبادتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم مؤمنين إيمانا كاملا بما جاء في كتاب الله المجيد وسنة رسوله المطهرة. Il a dit, pour nous confirmer cela, que les nobles compagnons رضوان الله عليهم et ceux qui ont pris le chemin des nobles compagnons qui les ont suivis à la perfection dans leurs croyances, dans leurs adorations, dans leur comportement, dans leur façon de faire, étaient des croyants d'une foi complète. Ils avaient une foi complète en ce qui est transmis dans le livre, dans le noble livre d'Allah et dans la pure sunna de son messager alayhi salatu wassalam. يقول وثبت المسلمين على كتاب ربهم وسنة نبيهم وبين لهم أن الواجب عليهم الاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومنابذة الأهواء وأهلها إيمانا منهم أن القرآن والسنة كافيان غاية الكفاية في كل ما يجب على المرء الإيمان به واعتقاده كفيلان بهداية الناس وسعادة في الدنيا والآخرة وأن الضلال والشقاء في الدنيا والآخرة في مخالفتهما. Ils ont, avec ça, ils ont raffermi les musulmans sur le livre d'Allah. Ils les ont orientés, raffermis sur le livre d'Allah, Azza wa Jalla, sur la sunna de leur prophète, alayhi salam. Ils ont montré aux gens que ce qui est obligatoire, que ce qui leur est obligatoire, c'est le fait de se cramponner au livre d'Allah et à la sunna de son prophète, alayhi salam. Donc ils ont orienté les gens, ils leur ont montré comme quoi que leur obligation c'est le fait de se cramponner au livre et à la sunna du prophète et de s'éloigner des gens de l'innovation et de s'en éloigner parce que ils croient d'une croyance irréfutable que le Coran et la sunna sont suffisants pour tous ce qui est obligatoire à l'être de croire. Que tout ce qui est obligatoire de croire, il est détaillé dans le Coran et de la Sunna et c'est suffisant. Et que le Coran et la Sunna, ce sont elles, et seulement elles, qui peuvent le guider vers son bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et que l'égarement, tout l'égarement, et le malheur, tout le malheur, dans ce bas monde et dans l'au-delà, et dans le fait d'être en divergence avec le livre et la sunna. وقال حفظه الله وكما أخبر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لماذا حازوا هذه المنزلة العظيمة وهذه الخيرية التي فاقوا بها الأمم كلها وسادوا بها هذه الأمة فلم يلحقهم لاحق ولم يسبقهم سابق إلا الأنبياء لماذا؟ لأنهم والله اهتدوا لهذا النور وبهذا القرآن وبهذه السنة ورأوا أن فيهما الكفاية وتقفوا بهما الشعوب وفتحوا بهما القلوب. إلدي حفظه الله Quand on nous l'a annoncé le messager alayhi salatu wassalam, que les meilleurs des gens, ce sont sa génération, et ceux qui les suivent, et ceux qui les suivent. Les meilleurs des gens, ce sont la génération du prophète alayhi salatu wassalam, leurs successeurs et les successeurs de leurs successeurs. Et cher, tu as tiré notre attention à dire pourquoi ils ont eu cette noble place. Pourquoi ils sont meilleurs? Pourquoi ils ont eu cette place avec laquelle ils ont devancé toutes les communautés? Et personne ne peut arriver à la place à laquelle ils sont arrivés. Et personne ne les a devancés à cette place, sauf le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi ils sont arrivés là? Et il dit, parce que par Allah, ils ont pris comme guide cette lumière. Ils ont pris comme guide ce Coran et cette Sunna. Ils ont cru irréfutablement qu'ils sont suffisants. Et au plus de ça, ils ont éduqué les peuples avec le Coran et la Sunna. Ils ont conquis leur cœur avec le Coran et la Sunna. Voilà d'où leur vient la suprématie qu'ils ont sur toute la communauté humaine en dehors des prophètes alayhi salatu wassalam qui sont devant eux. Hein? Les nobles compagnons d'Allah alayhim viennent juste après les prophètes alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Ils ont eu cette noble place pour cette croyance qu'ils ont sur le Coran et sur la Sunna. Et que le Coran pour eux était suffisant. Hein? Et la Sunna, le Coran et la Sunna étaient suffisants. Et c'est avec le Coran et la Sunna qu'ils ont éduqué les peuples. Et c'est avec ça qu'ils ont ouvert les cœurs et conquis les cœurs. Yaqul wa kana al-a'ajimu min mukhtalaf al-ajnas. يدخلون في هذا الدين يأخذون منه من القرآن ومن والسنة عقائدهم وعباداتهم وسائر شؤون حياتهم لا يحتاجون إلى فلسفة الشرق والغرب ولا إلى آراء البشر من هنا وهناك. Il dit عبده الله et les non-arabes de différentes races rentrent dans cette religion. Et ils prennent leurs croyances et leurs adorations et tout ce qui concerne leur vie, ils le prennent du Coran et de la Sunna. Ils n'avaient pas besoin de la philosophie de l'Est et de l'Ouest. Ils n'avaient pas besoin des opinions des êtres humains qui viennent de là ou de là-bas. يقول وإنما كان عمدة الجميع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم لها المدارس وتربى عليها الأجيال لأن عندهم الاعتقاد الكامل والقناعة الكاملة أن في هذا القرآن وفي هذه السنة ما يشفي ويروي الغليل في كل المجالات. Et il dit Hafidhahullah, leur base de départ et leur base fondamentale pour à tous les niveaux et leur source, Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ils ouvraient les écoles pour Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ils ont éduqué des générations avec Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Parce que ils avaient une foi complète. Et ils étaient convaincus que la Sunna et le Coran étaient suffisants pour étancher la soif de tout un chacun à tous les niveaux de la vie. فلم يحتاجوا إلى تأويلات الجاهلين ولا إلى تحريفات المبطلين. Donc ils n'avaient pas eu besoin des interprétations des ignorants. Mais ils avaient besoin de la déformation des faussaires. Il a un قال حفظه الله رأى سلفنا الصالح ومن سار على نهجهم الكفاية في باب الاعتقاد وفي باب العبادات وفي باب السياسة والجهاد وفي العلاقات الدولية وفي كل شأن من الشؤون الاكتفاء بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه من يوم بعثه الله إلى يوم القيامة. إيه إلى ذي حفظه الله كن بيو بخدسر والله عليهم. Et ceux qui ont pris leur chemin ont vu que, hein, qu'au niveau des croyances, au niveau des adorations, au niveau de la politique, au niveau du combat sur le sentier d'Allah Azza wa Jal, au niveau des relations internationales entre les pays, à tous les niveaux, que le livre d'Allah et la sunna des prophètes alayhi salam leur suffit. Car tout bien, qui existe, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a orienté sa communauté vers ce bien. Et tout mal qui existe, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a averti cette communauté contre ce mal. Et que dans le livre et dans la sunna, il y a tout le bien. Et le chemin pour amener au bien. Et il y a l'avertissement contre tout mal. Et l'avertissement contre les chemins qui y mènent vers. Et ceci depuis que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le messager à l'Essentiel et jusqu'à la fin des temps. Parce que le livre et la sunna sont là, avec la compréhension, des pieux prédécesseurs d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés. Et ceci est très important. Rappelez-vous, c'est comme, nous l'avons publié une fois sur Telegram, sur la chaîne Distinction, et Éducation. Cette assise entre un prêcheur salafi, où elle a été convoquée par les hauts fonctionnaires de l'armée, etc., juifs. Et qu'à la fin, ça s'est soldé comment? Ils se sont levés, s'est levé en colère, il lui a dit, prends tous les prêches que tu veux. Tabligh, ikhwan, tahrir, ce que tu veux. Mais nous allons pas vous laisser appeler les gens vers la voix d'Abu Bakr et de Omar, la voix qui va les ramener à la source. Donc notre suprématie, il est dans la voie de cela. Le livre et la sunna, selon la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alim. C'est pour ça que tout le monde des combats. Que ce soit les déviants de l'intérieur, que ce soit les ennemis d'Allah. Et Cheikh Hafidhahullah Ta'ala dans ce passage nous a éclairé, nous a confirmé que le point de départ des croyants, des gens, des salafis, c'est le livre et la sunna selon la voie et la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alim. Et il va nous confirmer aussi un fondement, un autre fondement. Et il nous éclairer sur ce fondement, qui est le fait, il va nous éclairer sur les passions et les gens du passion. Il va nous montrer le chemin de ceux qui ne suivent pas les plus prédécesseurs d'Allah alim et qui sont sur la trace des passions et des innovations. Et qui ont délaissé la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alim. Et qui n'ont pas pris comme base et comme source, au niveau de leur croyance, le livre et la sunna. Alors que les salafis et les gens du hadith, leur point de départ, c'est le livre et la sunna. Car la guidance complète, elle est dans le livre et dans la sunna. بين حفظه الله بأن ذلك هو سبب انحلاف كثير من المسلمين وضلالهم فقال قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ضمان من الضلال وضمان أكيد من الشقاء معناه الهداية الكاملة لمن لم يتبعه هذا الهدى لمن اتبع هذا الهدى والضمان الكامل من الشقاء المخزي في الدنيا والآخرة وأي خزي وأي شقاء أشد من هذا الخزي الذي يعانيه المسلمون وأي ضلال أشد من هذا الضلال الذي يعيشه كثير من المسلمين. Il dit, حفظه الله, pour nous donner des éclaircissements sur tout ça, il dit, la cause de la déviance de beaucoup de musulmans et de leur égarement, il est dans le fait. Et il cite comme argumentation ce verset dans la traduction approximative, dit ceci. Celui qui suit ma guidance, il ne s'égarera pas, il ne sera pas malheureux. Et il dit, Hafidhahullah, donc le fait de suivre le livre et la sunna, c'est une garantie pour ne pas s'égarer. Et c'est une garantie sûre pour ne pas être dans le malheur. Cela veut dire, c'est une guidance complète pour celui qui a, qui s'est cramponné au livre et à la sunna. Et c'est une garantie complète du fait de ne pas être malheureux. le malheur dans ce bas monde et dans le delà. Et il dit, quoi comme malheur, hein, en regardant ce grand malheur dans lequel se trouvent les musulmans, il dit quoi comme grand égarement, que l'égarement que vivent beaucoup de musulmans. يقول العقائد تخالف كتاب الله العبادات عند كثير من الناس تخالف العبادات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم بدءا من توحيد العبادة باب الأسماء والصفات تقوم مدارس على غير كتاب الله وعلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ببعض أتباع الهوى والإغراق في الضلال أن يقول إن الأخذ بظواهر القرآن والسنة شرك وكفر. Il dit, Habidallah, quoi? Regardez, il attire notre attention, regardez ce malheur dans lequel vivent beaucoup de musulmans. Regarde, cet égarement dans lequel vit beaucoup de musulmans. Aussi, les croyances de beaucoup sont en divergence avec le livre d'Allah. Leurs adorations, l'adoration de beaucoup sont en divergence avec, hein? Avec les adorations qu'a ordonné Mohammed alayhi salatu wassalam. Dit, commençons par le monothéisme de l'adoration. Et le monothéisme et les noms et les attributs d'Allah. Il dit, il y a des écoles maintenant qui sont accomplies, qui ne s'accomplissent pas sur le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Concernant que ce soit hein, le monothéisme, que ce soit les noms et les attributs d'Allah ou les adorations. Il dit, et la situation est, et certains sont arrivés, certains disciples, des passions, et qui sont engloutis dans l'égarement, hein, sont arrivés à dire que le fait de prendre les textes du Coran et de la Sunna dans leur apparence, c'est de l'associationnisme et c'est de la mécréance. Ayadan billah. Regardez, il traite la voix des purs religieux, d'être, hein, d'être une, hein, d'être sur la mécréance et sur hein, l'associationnisme. Parce qu'ils prennent les textes tels qu'ils sont, ils les déforment pas, ils les dépouillent pas de leur sens. Ils leur donnent pas des fausses interprétations. يقول حفظه الله إلى هذا المنحذر انحذر كثير من الناس إلى أنهم لا يعتقدون أن في من الناس إلى أنهم لا يعتقدون أن إلى هذا المنحذر انحذر كثير من الناس إلى أنهم لا يعتقدون أن في كتاب الله الهداية الكاملة فلا يعتمدون في عقائدهم على قال الله ولا على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقدون فلسفة اليونان ومنطقهم ويسمونها بالمعقولات ويحرفون كتاب الله لأجل هذه الفلسفة الجاهلية التي غزتنا من الغرب. Il dit, حمد الله تعالى, à ce point sont tombés beaucoup de gens. Ils sont tombés au point où ils ne croient pas en la guidance, que la guidance est dans le livre d'Allah, que la guidance complète est dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ils prennent pas la révélation comme source dans leur croyance. Ils prennent pas Allah à dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans leur croyance. Ils croient tout simplement en la philosophie des Grecs et en leur logique. Et ils appellent ça le raisonnable ou le rationnel, etc. Il déforme le livre d'Allah Azza wa Jal pour cette philosophie jahilite. Cette philosophie qui correspond à la période pré-islamique, al-jahiliya. Cette philosophie qui nous a envahis et qui nous est venue de l'Ouest, de l'Occident. Regardez comment il nous a confirmé le point essentiel et le fondement principal qui est le fait de se cramponner au livre et à la sunna, et regardez comment il nous avertit contre hein, tout ce qui est contraire au livre et à la sunna, qui sont tous ces, hein, ces philosophies et ces spéculations de la parole qui sont arrivées, qui ont envahi le monde musulman de par l'Occident. وقال حفظه الله: فأصل أهل السنة والجماعة الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع سبيل المؤمنين المعبر عنه بالإجماع، فدينهم مبني على هذه الأصول، عقائدهم وعباداتهم وأحكامهم الحلال والحرام والمعاملات وسائر شؤون الحياة. أما الفرق الأخرى وأخص بالذكر منهم الروافض والخوارج، فأصل دينهم الفرقة والشقاق والبعد عن العناية بالكتاب والسنة وسوء الظن بالصحابة والطعن فيهم وكيل التهم الظالمة لهم، وبهذا السبب وبسبب بعدهم عن الاهتداء بالكتاب والسنة والعناية بهما وما يتبعهما نجد عندهم من الضلال العقائدي والشركيات والخرافات والسحر والكهانة ما الله به عليم. إلي حفظه الله تعالى. دونك le fondement principal des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est se cramponner au livre et à la sunna et de suivre la voie des croyants, celle qui est désignée par le consensus. Hein? Si tu veux, la voie des croyants et la voie des salafis. Le consensus. Donc la religion des gens de la sunna est basée sur ces trois fondements: le livre, la sunna et le consensus. Que ce soit leurs croyances, leurs adorations, leurs lois, le licite, l'illicite, le commerce et toutes les situations de leur vie. Quant aux autres groupes, et je cite en particulier Rawafid ainsi que le Khawarij, la base de leur religion c'est la division et la scission. Et c'est l'éloignement et c'est le fait de s'éloigner, de ne pas donner d'importance au livre et à la sunna. Et c'est d'avoir des mauvaises suspicions sur les compagnons, de les critiquer, de les dénigrer, de les calomnier, de les accuser avec des accusations injustes. Et à cause de ça, et à cause de leur éloignement du livre et de la sunna, et à cause du fait qu'ils ne s'occupent pas du livre et de la sunna et ce qui en découle, tu vois qu'ils ont des grands égarements au niveau de leurs croyances. Ah, l'associationnisme, les histoires à dormir debout, la sorcellerie, les devins et d'autres catastrophes que Allah subhanahu wa ta'ala sait. Hein? يقول ونجدهم يبنون عقائدهم على المنطق والفلسفة والكلام والعقل كما يزعمون، لأن هذه العلوم اليونانية يرون أنها ضرورية وأنها أصول الهداية عندهم. Et حفظه الله on voit qu'ils basent leur croyance sur la logique, sur la philosophie, sur la spéculation de la parole, sur le raisonnable et le rationnel, comme ils prétendent. Car ceci, ce sont des sciences qui leur sont arrivées des Grecs. Et ils voient que c'est obligatoire de prendre ces sciences de la philosophie, de la logique, etc. Et le rationnel qui nous vient des Grecs. Et qu'ils croient, et ils disent que ça, ce sont des fondements de la guidance. Pour eux, ce sont des fondements de la guidance. Hein? Et tu n'as qu'à voir les énormités. J'ouvre une parenthèse, les énormités que tu peux entendre dans les rooms d'Yel Ahbash, d'Yel Asha'ira, concernant les noms et les attributs d'Allah, Azza wa Jal. La philosophie, la spéculation dans la parole, comment ça y va? Hein? Pour nier les attributs d'Allah, pour, hein, déformer les sens et ainsi de suite. وقال حفظه الله ميزات أهل الحديث الذين علاقتهم بالله قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتقداتهم في جميع أبواب الدين مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بناء على العقول والآراء. إلى حفظه الله les particularités des gens du hadith qui dont le rapport est très fort avec le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et qui basent leur croyance sur le livre et la sunna, et basent tous les chapitres de la religion, et les basent sur le livre et la sunna, et non pas sur le rationnel, sur les opinions des hommes et sur la raison. Abadan. Tout est basé sur le livre et la sunna, selon la voie et la compréhension du peuple d'Israël dans l'alim, selon le consensus. خلافا للخوارج والروافض ومن سار على نهجهم فإنهم لا يلتفتون إلى كتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقائدهم ولا في عبادتهم ولا في مناهجهم ولا في التعامل مع الحكام ولا مع العلماء ولا حتى مع المسلمين. تعاملاتهم تقوم على حسب الأهواء والعياذ بالله. Il dit contrairement aux Khawarij ainsi que Rawafid et ceux qui ont suivi leur chemin, et ne donnent pas d'importance au livre et à la sunna, dans leurs croyances, ni de leurs adorations, ni de leurs voix. Comme ils ne donnent pas d'importance au livre et à la sunna, dans leur comportement avec les gouverneurs, avec les hommes de science, et avec les musulmans, et la masse des musulmans. Leur comportement et leur rapport avec les gouverneurs, avec les hommes de science, avec la masse des musulmans, etc., est basé sur leur passion. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et aussi, fait partie des particularités des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est que leur argumentation et leur preuve à tout, dans tous les domaines de la religion, sans distinction, c'est le livre et la sunna, selon la voie et la compréhension du pieux prédisseur d'Allah. À tous les niveaux, dans tous les domaines de la religion. Passons des croyants jusqu'à à tout ce qui fait partie de la religion. Et pour nous confirmer ce fondement, le porteur de l'étendard, de la réfutation et de l'éloge, l'érudit Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve, dit ceci. Min hadi al-tawjihat al-Qur'aniya, adrak al-mu'minuna, adamat al-sunnati wa makanataha. وأدركوا أنه يجب عليهم التزامها في كل شأن من الشؤون الإسلامية العقائدية والعبادية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. لا فرق بينها وبين القرآن من حيث وجوب الالتزام والطاعة والانقياد والتصديق. Et il dit حفظه الله pour nous confirmer ceci et ce fondement, les orientations du Coran. À partir des orientations du Coran, les croyants ont compris et ont capté l'importance et la grande place de la sunna. Et qu'ils ont compris qu'il est obligatoire de se cramponner à la sunna dans tous les domaines de la religion. Que ce soit au niveau des croyances, au niveau des adorations, au niveau de la politique, au niveau du social, au niveau de l'économie, au niveau du comportement, il n'y a aucune différence entre la sunna et le Coran. Il n'y a aucune différence dans le fait qu'il est obligatoire à tout un chacun de s'y cramponner, de se cramponner aux deux. Et qu'il est obligatoire d'obéir à ce qu'il y a dans le Coran et dans la sunna, et de s'y conditionner, et de prendre tout ce qui est annoncé dans le Coran et dans la sunna comme véridique. يقول إن توجيهات وتعاليم القرآن والسنة المطهرة متمازجة متساندة في كل مجالات التي خاضها القرآن لا يعد مؤمن من يفرق بينهما في النواحي العقائدية والعبادية أو العلمية ذلك لأنه يستحيل تطبيق القرآن بفهم بدون هذه السنة المطهرة. Il dit, Havidahullah, les orientations, les enseignements du Coran, de la sunna pure. Il dit, ils sont soudés. L'un est soudé à l'autre. Dans tous les domaines. L'un est mélangé à l'autre. Dans tous les domaines qu'a traité le Coran. Il n'est pas considéré comme croyant celui qui fait la différence entre le Coran et la sunna au niveau des croyances, au niveau des adorations, au niveau des actes à accomplir. Car il est impossible de mettre en application le Coran sans la pure sunna. Il dit, Hafidhahullah, وَكَيْفَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا مَنْ يُؤْمِنُ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وما جرى مجراها في بيان منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. Il dit, comment quelqu'un qui croit en cette parole d'Allah peut faire la différence entre le Coran et la Sunna? Et il a cité ici le verset dont la traduction approximative nous dit ceci. Nous t'avons descendu la révélation, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, pour que tu éclaires les gens sur ce qui leur a été descendu. Ainsi, ils vont méditer. Et il dit, Hamidallah, et les versets qui sont similaires à ceux-là nous montrent la place du messager, alayhi salatu wassalam. Donc, la place de sa Sunna. Yaqul, من أين نعرف أعداد ركعات الصلوات الخمس وأوقاتها وهيئاتها وأذكارها إذا كنا لا نعرف السنة. اللي دون زلون كونتر لو نومبر دي ركعات دون لي سانك بريير لي زورير كومون أكومبلير لا بريير لي انفوكاسيون تو سوسي كومون لو كونتر سي اون كوني با لا سنة. يقول وكيف نعرف شروط الزكاة ومقادر أنصبتها إذا لم تكن لدينا سنة محمد صلى الله عليه وسلم وبيانه. Comment connaître dans ce cas-là les conditions de la zakat et le quota sur lequel on doit sortir la zakat si nous n'avons pas la sunna de Muhammad عليه الصلاة والسلام et les éclaircissements de Muhammad عليه الصلاة والسلام. ومن أين نعرف حد شارب الخمر ورجم الزاني وقطع يد السارق إذا لم نرجع إلى سنة المطهرة. Il dit comment connaître dans ces cas-là la sentence que doit subir l'alcoolique, que doit subir celui qui boit le vin, que doit subir le fornicateur, celui qui est tombé dans l'adultère ou celle qui est tombée dans l'adultère. Hein? Comment connaître la limite de la main à couper au voleur si on ne revient pas à la sunna du messager alayhi salatu wassalam. هذه وغيرها من الأمور الكثيرة التي يتوقف الإيمان بالقرآن وتطبيقه على الإيمان بالسنة ومعرفتها وتطبيقها والتزامها واتباعها. Il dit ces choses là qu'il vient de citer et beaucoup d'autres choses, hein, dont qui découle du fait de croire en Coran et de mettre en application le Coran, et qui découle du fait de croire en la Sunna et de connaître la Sunna et de mettre en application la Sunna et de se cramponner à la Sunna et de suivre la Sunna. Ces choses-là, on y croit, c'est de la législation d'Allah. Hein? Et donc, comment les accomplir sans la Sunna du Prophète alayhi salatu wassalam? Sans croire en cette sunna et de la prendre comme véridique et de la mettre en application. يقول من هنا أدركت الأمة الإسلامية عظمة السنة ومكانتها فحافظوها كما حافظوا القرآن وصانوها كما صانوا القرآن. Et partant de là, la communauté musulmane a su la grandeur de la sunna et sa place. Et donc ainsi ils l'ont préservée, ils l'ont mémorisée, préservée comme le Coran. Et ils l'ont protégé et défendu comme ils ont protégé et défendu le Coran. Et j'ouvre une parenthèse. La sunna, hein, par rapport au Coran, il a trois cas de figure. La sunna arrive, il concorde avec le Coran. Hein? Il vient, des fois tu as un jugement qui est dans le Coran, qui est juste rappelé dans la sunna. Identique. Deuxième cas de figure, c'est que la sunna arrive pour nous éclairer et nous donner, nous détailler ce qui est voulu dans le Coran et pour nous interpréter ce qui est voulu dans le Coran. Troisième cas de figure, c'est que la sunna arrive avec un jugement qui n'est pas cité dans le Coran. Soit l'interdiction de quelque chose ou l'autorisation de quelque chose. Et les exemples sont nombreux dans la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Donc on ne peut pas, quelqu'un qui est doué de raison, ne peut pas dire qu'on peut prendre la sunna, le Coran tout seul sans la sunna. Abadan. وقال حفظه الله فهيئ الله هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس وعلى رأسهم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ثم التابعون لهم بإحسان فحفظوا في صدورهم ألفاظ السنة ومعانيها ودانوا بها عقيدة وعملا لا يفرقون بينها وبين القرآن لا في عقيدة ولا في أحكام وعمل وتلاهم من سار على نهج من أهل الحديث والسنة إلدي حفظه الله. الله سبحانه وتعالى a préparé cette communauté qui est la meilleure des communautés qui a fait exister au milieu à l'humanité. Et à la tête de cette communauté, les nobles compagnons de Mohammed alayhi salam, ceux qui les ont suivis à la perfection. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a préparés à préserver dans leur poitrine et à mémoriser les expressions de la sunna et le sens de la sunna. Hein? Et ils ont pris cette sunna comme religion. Hein? Et ils l'ont mis en application. Et ils n'ont pas fait la différence entre le Coran et la Sunna. À aucun niveau ils ont fait la différence entre le Coran et la Sunna, que ce soit au niveau des croyances, au niveau des croyances, ou au niveau des lois, ou au niveau des œuvres. Abadan. Pour eux, ils étaient à pied d'égalité, que ce soit dans les croyances, dans les œuvres et dans les lois et à tous les niveaux. Les a suivis sur cette voie les gens du Hadith et de la Sunna. وقال حفظه الله وميز الله الذكر المنزل عليه بالحفظ وهذا الذكر يشمل القرآن والسنة وهي بيانه ولا يتم حفظ القرآن إلا بحفظ بيانه إلى ذكر الله سبحانه وتعالى بخزاغف الله سبحانه وتعالى a donné la particularité à la révélation qu'il a descendue lui a donné la particularité qu'il est préservé par Allah. Et cette révélation englobe le Coran et la Sunna, car la Sunna, c'est l'éclaircissement du Coran. Et le Coran ne serait être préservé et protégé qu'avec la Sunna, qu'avec son éclaircissement. وهذا كما يشهد به القرآن يشهد به الواقع وتاريخ هذه الأمة وجهاد فحولها في الحفاظ على السنة وحفظها واتخاذ كل الوسائل الحكيمة واستخدام الأصول والطرق والمناهج لتحقيق هذا الحفظ في أجلى صوره وأمتنها ولا يجحد هذا إلا مكابر. Il dit, et ça, cette forme de protection, on témoigne le Coran. Comme la réalité de la communauté, l'histoire de la communauté le témoigne aussi. L'effort des érudits de cette communauté parmi les mémorisateurs de la Sunna, hein, qui ont mémorisé la Sunna, qui ont pris tous les moyens légiférés et qui ont utilisé tous les fondements et toutes les voies pour accomplir cette préservation de la révélation, hein, dans la meilleure des formes, ceci est très clair à tout un chacun, hein, et ne rejette cela qu'un entêté, qu'un orgueilleux. Donc il est clair que la réalité de la communauté, l'histoire de la communauté, tous les efforts qui ont été prodigués par les mémorisateurs de la Sunna, hein, nous montrent clairement, hein, comment s'est accomplie cette préservation, hein, de cette révélation. Et ceci n'est rejeté que par un orgueilleux et qui ne veut, hein, pas voir la réalité en face. يقول هذه المزايا وغيره ومما لا يتسع المقام لذكره لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تعطي بداهة عند أولي النهى والألباب مكانة واعتبارا وإجلالا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم وأنها براهين ساطعة وحجج قاطعة مع القرآن جنبا إلى جنب في كل أبواب الدين والدنيا في العقائد والعبادات والمعاملات والسياسة والإجماع والاقتصاد. Ces particularités, d'autres particularités qui ne sont pas citées, particularités qui sont données à ce messager, alayhi salam, donnent une base à ceux qui sont doués de raison. Hein? Leur donnent une base et un éclaircissement sur le fait, hein, de l'importance de la sunna, de l'importance des preuves, que les preuves de cette sunna sont claires. Hein? Sont claires. Les preuves de la sunna avec le Coran, l'un à côté de l'autre, sont claires, qu'elles sont inséparables dans tous les domaines de la religion. Et dans tous les domaines de ce bas monde. Que ce soit dans les croyances, dans les adorations, dans le commerce, dans la politique, dans le social, ou dans l'économie. Donc, ces particularités qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala dote cette communauté, font voir à tout un chacun qui réfléchit avec une raison saine, qui n'est pas altéré, et cette réflexion va l'amener à comprendre l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Muhammad alayhi salatu wasalam et l'importance qu'a sa sunna, et que sa sunna avec le Coran, ce sont des preuves irréfutables, l'un à côté de l'autre, l'un ne va pas sans l'autre, dans tous les chapitres et dans tous les domaines de la religion, que ce soit les croyances, les adorations, la politique, le social et l'économie. يقول ومن رأى أو قال غير هذا فقد تاه وضل ضلالا مبينا وشاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. Il dit si celui qui voit autre chose que ça ou qui dit autre chose que ça, ben il s'est égaré d'un égarement clair et il a pris un autre chemin et il a fait sa scission avec Allah et avec son messager عليه الصلاة والسلام, il a suivi un autre chemin que le chemin des croyants. ثم ذكر الشيخ حفظه الله جملة من الأحاديث النبوية التي تدل على مكانة السنة النبوية وأنه لا فرق بينها وبين القرآن في الاستدلال والاحتجاج على مسائل العقيدة وغيرها فقال حفظه الله ومن السنة ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي أخرجه مالك في الموطأ وغيره وصححه الألباني رحمة الله عليه. Et il a cité les hadiths. Cheikh Rabi a cité un certain nombre de hadiths du prophète alayhi salam qui prouvent la place de la sunna, qu'il n'y a aucune différence entre le Coran et la sunna dans l'argumentation, que ce soit au niveau des croyances ou autres. Et il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, fait partie de la sunna, ce hadith rapporté par dans le Muwatta par l'imam Malik et par d'autres et authentifié par Cheikh Nasr Din Albani rahmatullah alayhi dans Sahih al-Jami'. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai laissé en vous deux choses, si vous cramponnez à ces deux choses, vous n'allez pas vous égarer après moi. Le livre d'Allah et ma sunna. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé quoi? Le livre d'Allah et la sunna. Si on se cramponne au livre et à la sunna, on s'égare pas. Donc, ils vont de pair. Et c'est ce chapitre est réservé pour nous montrer qu'on peut pas faire, la séparation du Coran et de la sunna. Wa anil miqdad, ibn Ma'd yakrim, radiyallahu anhu, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yushiku ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi, yuhadditu bihadithin min hadithi, fayaqulu yuhadditu bihadithin min hadithi, fayaqulu baynana wa baynakum kitabullah azza wa jal, fama wajadna fihi min halalin istahlalnah, wama wajadna fihi min haramin harramnah, ala wa innama harrama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mithla ma harrama Allah. Al-hadithi sahih صححه الألباني في صحيح ابن ماجه. المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه وارضاه dans ce hadith authentifié par Cheikh Nasr رحمة الله عليه dans Sunan ibn Majah a dit que le Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit: arrivera un temps, un homme sera adossé sur son divan, il parle avec le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام et il dira: entre nous et vous il y a le livre d'Allah, ce que nous trouvons comme halal, comme licite dans le livre d'Allah, on le prend comme licite. Ce que nous trouvons comme haram dans le livre d'Allah, on le prend comme illicite. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, ce qu'a rendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illicite, c'est comme ce qu'a rendu Allah azza wa jal comme illicite. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به ونهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. Et c'est un autre hadith dans le même sens de celui qui vient d'être cité, qui est rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Nasr Din Albani, rahmatullah alayhi, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, a dit que il va se trouver des gens, quelqu'un parmi vous, qui sera adossé sur son divan, et il lui arrive l'ordre parmi ce que j'ai ordonné, un ordre parmi ce que j'ai ordonné, ou ce que j'ai interdit, et il dira, je ne sais pas, ce qu'il y a dans le livre d'Allah, on le suit. Hein? Et donc ça aussi, c'est un avertissement contre le fait d'agir ainsi. Obligatoire de prendre le livre et la sunna. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث rapporté par البخاري رحمه الله. Et le hadith d'Abu Huraira chez l'imam Bukhari, où Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit toute ma communauté rentrera au paradis sauf ceux qui le refusent. Ils ont dit à رسول الله qui va le refuser. Il a dit, celui qui m'obéit rentrera au paradis. Celui qui le refuse, celui qui me désobéit, il a refusé. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحتهم فأهلكهم واجتاحهم فكذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. رواه البخاري رحمه الله تعالى ومسلم. أبو موسى الأشعري Abu Moussa, l'Ash'ari de nous rapporter que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, mon exemple, c'est l'exemple d'un homme. Certes, mon exemple est l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala Mon exemple est l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé avec moi, c'est comme un homme, comme un éclaireur, qui est venu voir des gens, il leur a dit au peuple, aux gens, j'ai vu l'armée de mes propres yeux, je suis l'avertisseur. L'Ariane, c'est-à-dire que celui qui avertit autrefois chez les Arabes sur une colline, il enlève son tissu de haut et il fait des signes avec pour avertir. Il dit, je suis l'avertisseur. Hein? Sauvez-vous. Une certaine partie de la communauté lui ont obéi. Ils sont sortis au début de la nuit. Ils sont partis tranquillement. Ils ont été sauvés. Une autre partie ne l'a pas pris comme véridique. L'a démenti. Ils sont restés à leur place. L'armée est arrivée et les a tous massacrés. Le matin, au petit matin, l'armée est arrivée, il les a tous massacrés. Il a dit, alayhi sallatou salam, ceci, c'est comme l'exemple de celui qui m'a obéi, et qui a suivi ce que j'ai ramené, ce que j'ai transmis, et celui est l'exemple de celui qui m'a désobéi, et qui n'a pas pris comme véridique ce que j'ai ramené de la vérité. Hein? Donc on voit très bien qu'on peut pas faire autrement que utiliser le Coran et le Sunna en même temps, et qu'ils sont inséparables. ثم قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله منزلة السنة عند الصحابة الكرام فمن بعدهم من خيار الأمة وسادتها. قال قد يكون حكم المسألة الكبيرة في القرآن والسنة فيكتفي الصحابة في الاستدلال عليها ببعض من السنة فلا يسمع معارضا لا من الصحابة ولا من التابعين لأن سنة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم جميعا حجة وأي حجة مثل القرآن ولها عندهم منزلة وأي منزلة. إيه اللي حفظه الله تعالى la place de la sunna chez les nobles compagnons et aussi chez les générations qui les ont suivis parmi ceux qui ont été élogés par le messager alayhi salatu wasalam qui étaient les nobles de cette communauté et les meilleurs de cette communauté. Il dit, Hafidhahullah, le jugement d'un point ou d'un sujet peut être le jugement d'un grand sujet ou d'un grand point peut être contenu dans le Coran et la Sunna. Et le noble compagnon va suffire d'argumenter avec une partie de la Sunna. Ou un hadith 2. Il y a personne qui va s'opposer à lui, personne ne s'est opposé à lui parmi les compagnons d'Allah Alim, ni parmi leurs successeurs. Car pour eux, la Sunna de Muhammad alayhi sallallahu alayhi sallam, pour eux tous, c'était une argumentation et une preuve, comme le Coran. Et ils estimaient d'une grande estime la sunna du messager alayhi sallatu wassalam. Coran, c'est une grande preuve. Et la sunna aussi, pour les nobles compagnons et leurs successeurs. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق رواه البخاري إمام البخاري والإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه كدي quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est mort et que Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda est devenu le calife, le premier calife, apostasé certaines tribus parmi les tribus arabes. Omar ibn al-Khattab, quand Abu Bakr a pris la décision de le combattre, lui a dit à Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab a dit à Abu Bakr, comment tu vas combattre les gens alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent « La ilaha illallah ». Et celui qui dit « La ilaha illallah », khlas, il est protégé. Sa fortune est protégée. Sa vie est protégée. Sauf par le droit de « La ilaha illallah » et son compte, c'est Allah qui lui fera. Abu Bakr lui a dit « Par Allah, je vais combattre tout un chacun qui aura fait la différence entre la prière et la zakat. Car la zakat fait partie du droit de « La ilaha illallah ». Par Allah, s'ils m'interdisent un petit chevreau, une petite chèvre qui ne dépasse pas l'inar, qui ne dépasse pas un nom, parmi les petits des chèvres, hein, qu'ils soient mâles ou femelles, c'est un petit, hein, qui ne dépasse pas un nom. S'ils m'interdisent un petit chevreau, une petite chèvre, qu'ils donnaient au messager, alayhi salatu wassalam, je vais les combattre parce qu'ils me l'ont interdit, ils ne me l'ont pas donné. Omar a dit après, par Allah, j'ai vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a apaisé le cœur d'Abu Bakr Siddiq, hein, au combat, et j'ai su que c'était la vérité. Hein? Inna kullan min Abi Bakr wa Omar qad ihtajja bis sunnati fi hudur as-sahabati al-kiram wa aqarruhuma ala hadha al-istidlal. وهما أفضل الصحابة وفي المسألة نصان من القرآن الكريم وهما قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وترجح رأي أبي بكر لأن مانع الزكاة أخلوا بشروط العصمة الواردة في الحديث الذي استدل به عمر وفي الآيتين المذكورتين وفي غيرهما maintenant dit Cheikh Rabi Hafidhahullah, que ce soit Abu Bakr ou Omar, tous les deux, ils ont pris comme argumentation la sunna devant les nobles compagnons d'Allah alayhi. Et les nobles compagnons ont confirmé. Ils se sont pas opposés à ce qu'ils ont dit les deux grands hommes de la communauté. Alors que Abu Bakr et Omar, c'est les meilleurs de la communauté après le prophète alayhi salatu wassalam. Hein? Et concernant ce sujet, il y a des textes dans le Coran. Hein? Omar a ramené un texte de la Sunna et Abu Bakr a aussi argumenté avec la Sunna. Personne parmi les compagnons ne s'est opposé. En plus de ça, il y a un verset du Coran qui dit ceci dans la traduction approximative. S'ils se repentent et qu'ils accomplissent la prière, ils s'acquittent de la zakat. Ce sont vos frères dans la religion. Ainsi, nous détaillons les versets pour des gens qui savent. Et donc, ce qui a été prédominant et ce qui a été mis en avant, c'est l'opinion d'Abu Bakr. C'est l'opinion prépondérante qui a pris le dessus. Pourquoi? Parce que ceux qui se sont acquittés de la zakat ont annulé la condition pour être protégés. La condition qui est dans le hadith avec lequel a argumenté Omar ibn Khattab. Et ils ont aussi annulé la condition qui est citée dans les versets. Hein? Dans les deux versets cités ici. Hein? Et donc, puisqu'ils ont annulé les conditions de protection, ils méritent d'être combattus, ce qu'il a fait Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu arda. Parce que dans le hadith qu'a utilisé Omar ibn Khattab, il a dit, sauf avec les droits de la ilaha illallah. Et comme ils ont annulé l'un des droits de la ilaha illallah qui est zakat, donc Abu Bakr Siddiq, son opinion était la prépondérante et celle qu'il fallait mettre en avant et que les compagnons tous ont suivi après. Et ils étaient présents au moment de l'argumentation d'Abu Bakr et de l'argumentation de Omar. يقول حفظه الله والشاهد أن في احتجاج أبي بكر وعمر بالسنة في مسألة عظيمة منصوص عليها في القرآن وبحضور الصحابة الكرام دليل واضح على منزلة السنة عند الصحابة جميعا وأنه لا ينكر على أحد إذا سلك هذا المنهج وأن للمسلم أن يسلك هذا المنهج وله أن يجمع بين القرآن والسنة وله أن يكتفي بالنص من القرآن شريطة أن يكون استدلاله صحيحا بعيدا عن اتباع الهوى وتتبع المتشابهات كما هو فعل أهل الأهواء والزيغ ومنهم أعداء السنة وخصومها. L'argumentation ici, le témoignage de l'argumentation d'Abu Bakr et de Omar avec la Sunna dans un sujet qui est très important, qui est un grand sujet, qui est stipulé aussi dans le Coran. Et l'argumentation s'est faite devant les nobles compagnons d'Allah alayhi. Ceci est une preuve claire qui nous prouve l'importance de la Sunna chez les nobles compagnons d'Allah alayhi tous. Et que personne n'a reproché à quelqu'un de prendre cette voie, la voie d'utiliser la sunna et de la mettre en avant. Même s'il y a un texte du Coran, et qu'il est il appartient aux musulmans de prendre cette voie, et comme il lui appartient de réunir entre le Coran et la sunna, comme il lui appartient de se suffire d'un texte clair du Coran, à la condition que son argumentation avec le texte du Coran, qu'il soit loin du fait de suivre les passions et du fait de suivre l'ambigu, comme le font les gens qui suivent leurs passions et les déviants et les ennemis de la sunna et les adversaires de la sunna. ولما قال معبد الجهني وجماعة معه في البصرة بالقدر وبلغ ذلك ابن عمر من طريق يحيى بن معمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قال ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم روى عن أبيه الحديث المشهور الذي فيه سؤال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسئلته إجابة شافية ومن إجابته عن السؤال عن الإيمان قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والشاهد أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر اكتفى في هذه المسألة العقدية الكبيرة بالاحتجاج بالسنة النبوية، مع أن هناك آيات في الإيمان بالقدر، وفي هذا دليل على منزلة السنة عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Il cite un autre exemple comme Ma'bad al-Juhani, ainsi qu'un certain nombre des habitants de Basra, on parlait sur le Qadar, on déviait en ce qui concerne le Qadar. Disait que Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce que font les serviteurs jusqu'à ce que les serviteurs le fassent. Ceci a été annoncé à Ibn Omar par la voix du Yahya ibn Ya'mar et Humayd ibn Abd al-Rahman al-Himyari. Ibn Omar a dit, si vous rencontrez ceux-là, si tu les rencontres, ceux-là annonce-leur que je les désavoue et je suis innocent d'eux, et aussi doivent me désavouer par celui par lequel fait le serment Abdullah ibn Omar, c'est quelqu'un parmi eux avait l'équivalent de la montagne de Hud en or et il la dépense sur le sentier d'Allah. Allah n'acceptera pas de lui s'il ne croit pas en le destin. Et il a cité le hadith rapporté par son père, ce hadith réputé que beaucoup parmi vous mémorisent, qui est le hadith de Jibril, dans lequel Jibril est venu poser des questions à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam, sur l'iman, sur l'ihsan, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une réponse suffisante à toutes ces questions. Et parmi les réponses qu'il a données, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, la réponse concernant la foi. Il a dit, c'est le fait que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier, et que tu crois le destin bon et mauvais. Et donc, dit Cheikh Abdallah, le témoignage ici, c'est que le noble compagnon Abdullah ibn Omar s'y suffit sur ce sujet très important. Et cet énorme sujet, ce grand sujet concernant les croyances, s'y suffit pour argumenter de la sunna du prophète alayhi sallatu wassalam, d'un hadith, alors qu'il y a beaucoup de versets, dans lequel il y a l'obligation de la foi en le destin. Et ça prouve l'importance qu'avait la sunna chez les nobles compagnons du prophète alayhi sallatu wassalam. والأدلة من تصرفاتهم كثيرة لا يتسع المقام لسردها. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. رواه مسلم. Et les preuves de cette façon de faire des nobles compagnons sont nombreuses. Et il cite encore un autre. Ici, Salim, rapporté par l'imam Muslim, Salim ibn Abdillah ibn Omar, a dit qu'Abdullah ibn Omar, c'est-à-dire son père, il a dit, j'ai entendu Abdullah ibn Omar dire, j'ai entendu le messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam dire, n'interdisez pas à vos femmes les mosquées quand ils vous demandent l'autorisation d'y aller. Bilal, le fils de Abdullah ibn Omar, a dit par Allah, nous allons leur interdire. Il s'est retourné vers Bilal, Abdullah s'est retourné vers Bilal, il l'a insulté d'une grande force. Le rapporteur du hadith, il a dit, je l'ai entendu insulter comme jamais il a insulté. Et il lui a dit, je t'annonce du messager alayhi sallatu wassalam, et tu dis par Allah, nous allons leur interdire. يقول حفظه الله هذه منزلة السنة النبوية عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صار على نهجهم التابعون لهم بإحسان وإمة الهدى في تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجون بها في كل جوانب الدين العقدية والعملية ويعملون بها في كل شؤون حياتهم ويشدون الرحال إلى مختلف البلدان لحفظها وتدوينها ونشرها وتعليمها كما سبقت الإشارة إلى ذلك. Il dit, Habidallah, ça c'est la place de la noble sunna du prophète alayhi salatu wasalam, c'est les nobles compagnons du messager alayhi salatu wasalam, et de ceux, et c'est la place qu'il a chez ceux qui ont suivi la voie des nobles compagnons, et ceux qui les suivent à la perfection, et c'est la voie des imams de la science et de la guidance. C'est ainsi, il est honné ainsi leur estime de la sunna. Et ils la prennent comme argument. Ils l'utilisent comme argumentation dans tous les domaines de la religion, qu'elle soit au niveau des croyances, au niveau des actes. Ils la mettent en application dans tous les domaines de la vie. Ils voyagent vers différents pays pour aller chercher la sunna et pour mémoriser la sunna, pour l'écrire, pour la propager, pour l'enseigner. Hein? Et nous arrêtons là, inshallah, pour aujourd'hui, que Allah subhanahu wa ta'ala récompense. Hein? Cheikh Hafidhahullah, hein, avec le Firdaus al-A'la, qu'il nous fasse profiter de sa science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge sa vie dans son obéissance, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi des gens qui entendent la bonne parole et qui la suivent. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse notre cheikh et notre père, Cheikh Ubayd, Hafidhahullah, et qu'il le, lui permette de revenir, qu'il lui donne la santé pour revenir à la chaise de l'enseignement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge la vie de ces deux grands hommes, hein, dans son obéissance, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le firdaus al-a'la. Wa subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum, wa ahsallahu alaykum, jazakum Allahu khayra.